Yeah. Ok. Cicatrice. Yeah, ok. Jaguar. J'avais besoin de me confier, d'écrire ma vie. J'ai chanté mes cicatrices, mes histoires cruelles, effrayé par ma souffrance, l'erreur est humaine. Quand tout va mal, mes cicatrices me tiennent en éveil. Je souffre, j'ai du mal à retrouver le sommeil. J'ai chanté mes cicatrices, mes histoires cruelles, effrayé par ma souffrance, l'erreur est humaine. J'ai chanté mes cicatrices, mes histoires cruelles, effrayé par ma souffrance, l'erreur est humaine. Quand tout va mal, mes cicatrices me tiennent en éveil. Je souffre, j'ai du mal à retrouver le sommeil. Ok, yeah, ok, ok, yeah, ok. J'ai chanté mes cicatrices, mes histoires cruelles, effrayé par ma souffrance, l'erreur est humaine. Quand tout va mal, mes cicatrices me tiennent en éveil. Je souffre, j'ai du mal à retrouver le sommeil. Ok, ok. Yeah. Mon glaive est en sang, mes écritures optimales. Relique tranchante, si je le peux je m'évade. J'ai saigné, retranché dans les entrailles de l'enfer. Et plus je prie, plus mes cris se nouent, plus s'enterre. L'odo griffé, j'ai charbonné, peu personne m'ont aidé. J'ai plaidé légitime défense, les huissiers n'ont pas cédé. Téméraire, incompris, noyé dans mes regrets. Est-ce une honte que de saigner, d'avouer qu'on s'est vautré? Outré, c'est la figure, mes couplets sont si durs. Et crois-moi que les pansements n'arrêteront pas les grosses coupures. Parti sans regret, appris en son enfermé. Triste mais souris car important sera ton aspect. Au collège j'étais instable, seul sur mon piédestal. Ébahi et frustré, à peine rentré je balançais mon cartable. Papa était dur, j'ai vu mes rempasses nuire. Comment bâtir une histoire quand les structures veulent fuir? J'ai œuvré, je suis instable, à l'école que des putains. J'ai jamais su être fort, j'avais des zéros sur mon bulletin. Coup de ceinture, pro s'embrouille, mon quotidien passé. Faut que la conjugaison, car mon présent est un imparfait. J'ai grandi et j'ai compris que les hommes sont lâches. Peu importe qui me suit, moi je sais qui me rage. Asthme sévère, plus d'une fois à l'hôpital. Maman pleurait car la vie avec moi était si brutale. Allongé sur la table par peur, j'ai vu ma vie défiler. Pourquoi m'acharner sur mon sort-oreille s'il est déjà scellé? Dans les centres seuls, mes fantômes me hantent encore. J'ai toujours les traces et les marques présentes sur mon corps. On m'a dit médite de tes erreurs, Dieu te guidera. Mais ma foi est réelle, mais mes roues elles sont de vertra. Sinistre et malhonnête, j'ai fait des coups bas. J'ai insulté la république malement comme un Elka. J'ai sondé les quartiers, mais j'ai jamais su ces personnes. Je suis resté moi-même jusqu'à ce que mon heure sonne. J'ai œuvré en 2005, je commence à gratter. Apeuré, j'écrivais quelques rythmiques insensées. J'ai donné ma vie à ma mif me reconnaît. Les vrais frères m'a dû le boycotter comme Dieu donnait. Beau gosse et loyal, les rends pas galère à payer le loyer. Franc et sincère, mes rythmiques n'ont rien de délabré. Patate, crochet, la rue ne m'a pas fait de cadeau. Tu fêtais Noël quand mes grands frères, eux, étaient sous les barreaux. J'ai vu ma mère tomber, pleurer puis se relever. Écouter les profs l'accabler car son fils était traumatisé. J'ai vu Valentin nuire, peu à peu devenir un obstacle. Je suis vrai, je suis moi, cicatrice, voilà mon comeback. Dans mes pensées sincères, j'ai aimé, je t'ai fait confiance. J'ai changé et appris jusqu'en souffrir de ton absence. Je t'ai donné mon cœur, je t'ai présenté à la MIFA. Toi tu jouais, me fais passer pour un mec qui te fout la hagla. Je t'ai appris le pardon, mais le pardon nous divise. Ne crache pas sur la main qui t'a nourri, telle est ma devise. On a parlé de fiançailles, de s'aimer à la mort. Le mec tout fait les choses, il m'a écarté de ton sort. Traqué, menace de mort, je vois les ennemis suppléer. À genoux, torse pompé, y'a que Dieu que j'ai supplié. Les corbeaux attaquent quand le jaguar s'affaiblit. Triste mais résolu, peu à peu mes vers s'embellissent. Mon père est parti, a pris ses affaires, s'est tiré. J'ai dû affronter l'avenir, vu les problèmes s'empiler. J'ai vu ma maison se vider petit à petit, le cœur bridé. J'ai senti la douleur, vu l'état d'alerte se déclencher. Papa était triste, j'aperçois son regard vide. Les hommes se cachent pour pleurer, je le vois dans ses rides. La chance me sourit, septembre, on me signe. Me promettant de percer, moi j'ai su rester digne. Les mois s'enfilent petit à petit, le contrat s'envole. Moi qui visais la lune, être un exemple ou être une idole. Je vous ai déçu, mais vos raisons sont-elles précaires? Menacé de mort, que mes grands deviennent déter. Stoppé dans ma lancée, j'ai gratté, retour à l'indé. J'ai aimé, fait aider, j'ai erré, fédéré par les refrains. J'ai saigné et semé, Dieu est grand, je le savais. J'ai bâti ma vie sur ma richesse intérieure. Mon peuple saigne, mes rythmiques me font honneur. J'ai donné ma vie au bitume, dites-le à Imen. Ton grand frère t'aime, j'ai trimé, et ça toutes les semaines. Main tendue vers l'espoir, avec espoir qu'une main m'aide. Simple et intérieur, précieux, comme j'ai Wade. J'ai beau me languir, tu es mon refrain, je t'ai vu bâtir. Sois fier et éloquent, c'est ce que je dirais à Samir. Je traîne avec Ali, tu es mon refrain, tu es ma vie. I love you, my man, tu es ma force et aussi Larry. Je suis fou car mes textes, c'est mon vécu. Je continuerai jusqu'à se comprendre tout ce qui m'est dû. Yeah. J'ai changé, maman, pardonne-moi. Ta force est la mienne, moi, je crève sans toi. À mes ex, mes binômes, mes histoires, mes pinômes. À ma femme, mon frère, pardonnez, je ne suis qu'un homme. J'avais besoin de me confier, que mon public me comprenne. Comme nos ancêtres, j'ai combattu pour retirer mes chaînes. J'ai ressenti les entraves, mes paroles sont les tiennes. Et si tu m'écoutes, sache que tes douleurs sont mes peines. Piétiner, se sentir humilié, fragile. Simple et redevable, ma pitié dans de l'argile. J'ai vécu comme toi, frère, et je sais qu'il y a pire. Le but c'est pas d'échouer, mais de savoir se reconstruire. En manque d'amour, j'ai passé ma jeunesse en chercher. J'ai blessé des femmes qui eux-mêmes ont pu me vexer. Musulman est fier, moi, je défends mes patriotes. L'islam une richesse plus grosse que ta cagnotte. J'ai senti le vent tourner, je me suis perdu pour mieux me retrouver. Écroulé, j'ai puisé, je suis toi, je suis ton refrain. Peu de rappeurs souffrants, ne te laisse pas berner. Je suis fou, mon cœur a besoin d'être interné. De l'hiver au printemps, j'écris comme un vandale. Fais des histoires et humains, n'en fais pas un scandale. Rien à foutre d'être beau, d'être coté sur Facebook. La réalité, ta fiction ou ton charme fait le zouk. 48 City, mon quartier, ma vie, ma ville, mes splendeurs. J'ai bâti mes écrits à son histoire et ses frayeurs. Place du marché, j'ai vu des dealers s'empiler. Je suis parti quand d'autres, eux, ne s'en sont pas attirés. Car ton voix, tu sais, j'ai du respect pour ce que t'es. Femme de principe, tu as essayé de m'éloigner des péchés. J'ai prêché, mes cicatrices enfouies me reprennent. Être affaibli est une force quand les jaloux se méprennent. Les pleurs d'une mère, les colères d'un père. Traîner le soir pour esquiver les bulletins scolaires. Traumatisé à vie, mes cicatrices sont palpables. Rêve d'une vie serait une insulte pour les inculpables. J'ai fait mon mea culpa, hamdoulay, je ne coule pas. Pourquoi je me plains, je vis mieux que les refrains sous ta fouica. Je vois des femmes se dévêtir, mais gardez vos principes. J'ai toujours su rester droit, même devant ces conflits. Mon histoire repart, j'essaie de trouver un point fixe. Mais je me ferai flinguer comme Biggie, Kadhafi ou Malcolm X. Saigné, je suis de rigueur, mes frayeurs me réveillent. Mes sourires sont faux, seuls mes textes me révèlent. Je tire sur la sonnette, la sourate est vraie. Je confie à Dieu même le plus noir de mes secrets. Illégible, j'ai des choses à dire, parfois illogiques. Et mes textes feraient frémir un tétraplégique. Silence radio, mes couplets sont un moteur. Même un sourd peut entendre tous mes mots de cœur. Acteurs récidivistes qui m'apportent leur grinta. Quand je pose, tout le monde s'écarte comme si j'étais atteint de la grippe A. Période noire, car mes rêves deviennent des cauchemars. Quand je ris, je pleure, et quand je pleure, c'est que ça devient trop tard. Je perds mes proches, je perds ce qui m'est vital. Je perds des meufs, mais Ali, ça me sera pas fatal. Période noire, quand mes ambitions font du surplace. Je rappais comme un chien, on m'envoyait souvent à la casse. J'ai vu mes parents se nuire, et au final se détruire. Car ce que t'as de plus cher part, crois-moi que c'est dur de se reconstruire. Parce que mes rares sont nuls, ma vie est dans le corbillard. Période noire, esclave moderne, qu'on appelle un trimard. J'ai vu mon frère partir en tôle, ses petits frères craquer. J'ai vu la mort me traquer, les anges nous éviter. Seul en internat, à combattre mes adversaires. Seul contre tous, les situations sont éphémères. Né dans un cauchemar, si loin de mes rêves. Si près du départ, mais si loin de la trêve. J'aurais donné ma vie à mes frérots du béton. Disque sur disque, j'élimine tous ces rappeurs en carton. J'aurais donné ma vie à la zik, à ma passion. À mes 5 pas aux meufs et à toutes leurs réactions. En apesanteur, loin des afters, des lovers. Réaction frimeur, rappeur excentrique et trimeur. Coriace, videur, tristement leader. J'arrive à l'heure, je viens déballer toutes mes fucking valeurs.